Chapitre 18. Les mangeurs de verre. Les mangeurs de verre marchaient dans la direction du grand lac. Quoique assez tristes en général, leur furetage comportait de la gaieté au début des étapes. Ils s'éparpillaient alors, et la cueillette du matin restant individuelle, ils avaient des exclamations aux bonnes trouvailles, se montraient puérilement leur butin. Truffes, escargots, racines sucrées d'ombellifères ou fruits aigres doux. Sous les houppes noires et longues des cheveux, avec leur museau saillant, la disposition de telles touffes de poils sur les joues, leur ressemblance allait plutôt à quelques chiens qu'à l'anthropoïde. Leurs bras courts, leur poitrine en carène, le vague aboi de leur rire complétaient l'analogie. Une légende courait d'ailleurs les tribus brachycéphales qu'il devait exister dans l'extrême-orient, une race d'hommes-chiens peu à peu détruite par les vrais hommes, par les fils de la bête des eaux, seuls légitimes possesseurs de la steppe et de la forêt, du fleuve et des grands lacs. Ainsi, jouant par les vastes fûts, se poursuivant à travers les fourrés avec leur ventre en outre-plaine, leur dos curve, trottant parfois à quatre pattes, ils gardaient l'orientation d'instinct qui guide les bêtes émigreuses. La langue réduite à quelques sons disait la peur, la joie, la faim, la soif. Pour le reste, c'était la mimique animale, et aussi la communication occulte, les flux sympathiques de la terreur ou de la colère. Les vieillards guidaient sans férocité. Deux d'entre eux commandaient une avant-garde d'éclaireurs. Un autre, le plus vieux, fermait la marche. À la traversée des habitats de grands fauves, les chefs groupaient la cohorte d'un cri aigu. La massue prête, alors, on ne sait quel courage de solidarité leur faisait affronter sans frémir l'ours ou le léopard. L'après-midi, ils rassemblaient la provende commune, celle qu'on mangeait le soir avant de s'endormir. Chacun portait sa part de butin sans y mettre la dent. La répartition faite auprès d'un ruisselet ou de quelque source, ils mangeaient et buvaient sobrement, puis tous s'endormaient, recrues de leur journée, avec des songes aussi vagues que ceux du lion ou du loup grondant dans le sommeil. Ils allaient. La forêt humide versait sur eux son ombre. Grave et puérile, leur attention fuyait continuellement. Leur pauvre rire s'allumait, s'éteignait comme les feux qui flottent au marécage. Leur vie s'épandait en courte émotion, en ébauche de pensées, en artifice d'avorton à la mamelle, en linéament de souvenirs et de prévisions. Que la pluie délava leur crâne dur, que le vent flagellât leur nuque des verges du froid, que les épines fissent saigner leurs pieds, que les parasites, par milliers, forassent leur épiderme, ils acceptaient. Toute une hérédité de résignation s'accumulait en leur cervelle. Depuis la venue de l'homme au long bras, à travers les âges, ils avaient cessé de progresser. Ils se conservaient. Rien n'était plus pour eux. La vaste terre les dédaignait. Et cependant, la vie épuisait ses moyens, durcissant l'épiderme, érigeant des toisons sur la poitrine, glissant des feuillets de graisse autour des flancs. Mais le cercle des races rivales se fermait toujours davantage. Et certes, le pauvre homme antique devait moins durer que les bêtes carnassières, car il était désarmé par la longue crise de transition où les forces du muscle se résolvent et s'échangent contre les adaptations du monde externe par le cerveau. Par les demi-ténèbres du sous-bois, ils avaient des compagnons d'exode auxquels ils s'étaient désaccoutumés de faire du mal. Les bandes nombreuses du daim et du chacal, filant vers le sud, ou le grouillement des rongeurs dirigé vers l'ouest. Ils saluaient d'un long cri le baril du pacifique éléphant oriental, le buxin des petits chevaux à grosses bouches dont les hordes militaires croisaient la leur. La nuit du deuxième jour de leur voyage, le chef dormait dans sa hutte de ramée, le brasier nocturne allait s'éteignant, les tardigrades accroupis se croquevillaient sous le froid, lorsque le cri du veilleur mit tout le monde debout. Le mot qui désignait le lion s'échangea, et une grande terreur claqua les mâchoires. Mais le chef, groupant les plus énergiques, tous bientôt se serrèrent, le gourdin levé. La silhouette redoutable du lion entra dans la lueur des feux et s'arrêta une minute devant les clameurs guerrières des humains. Mais soit qu'il eût manqué sa chasse, soit qu'il préférât la chair du primate à toute autre chair animale, il se rasa, s'enleva en un bond prodigieux et tomba sur la horde. Ils avaient reculé, ils avaient ouvert leurs troupes suivant une tactique millénaire, et plus de 50 massues s'abattirent sur le crâne, sur le mufle, sur les yeux, l'échine du fauve. Celui-ci se gara, se dressa, et de 3 coups de griffe renversa 4 ennemis. Les autres, animés à la bataille, se firent plus audacieux. Les massues tombèrent plus véloces sur les narines saignantes, et l'Hercule du groupe, d'un coup, brisa la patte de devant, tandis que 10 autres coups paralysaient les pattes de derrière. Vaincu, le lion essaya de fuir, mais rendu féroce, les mangeurs de vers ne le permirent point. Ils se ruèrent d'ensemble, et tandis que les uns immobilisaient le félin, les autres tentèrent de l'étrangler. Ils n'y réussirent pas tout de suite et reçurent d'épouvantables coups, mais enfin le chef, ayant enfoncé sa massue au fond de la gueule ouverte, le lion se prit à râler. Farouche alors et vindicatif, tous l'achevèrent. Il se trouva que 2 compagnons perdaient la vie dans cette aventure et que 5 autres étaient grièvement blessés. Les morts, longuement pleurés, furent déposés dans la fougère et les blessés eurent des soins attentifs. À l'aube, quand on reprit la marche, les plus atteints furent portés à bras. Les tardigrades n'étaient pas sans orgueil, malgré leur perte, d'avoir une fois de plus mis à mal le redoutable antagoniste, et ils portaient allègrement la massue en échange des gestes de triomphe et de confiance. La forêt leur parut meilleure. Leurs pieds nus rebondissaient plus vite sur le terreau, leur taille sans inflexion se tenait presque droite, leurs pauvres yeux de déshérités brillaient. Nul doute que la victoire seulement possible, une expansion de sève eût élargi leur crâne, mais les victoires restaient confinées à l'animal. Comme une pression matérielle, comme une ligature des artères, comme une dégénérescence des poumons, la peur des brachycéphales les recroquevillait, les immobilisait, les anéantissait, même de loin. Et le cercle de leurs idées se limitait ainsi que celui de leur habitat. Soit qu'ils n'osassent penser ce qu'ils ne pourraient accomplir, soit qu'ils ne pussent penser ce qu'ils n'avaient accompli. De l'aube fraîche jusqu'au tiers du matin, leur marche fut sans incident. Les bois très doux ne montraient que des faunes innocentes. Du soleil tiédissait l'humus des clairières. Au plus profond de l'ombre, des rayons arrivaient. La chaleur distendait la vie, si bien que dans le plaisir universel, ils se mirent à chanter. Vers la moitié du jour, l'avant-garde de 15 hommes se replia vivement. On était dans une interminable chaînée. Tout le monde vivait de truffes. Les sangliers abondaient, en fuite devant les migrateurs, et des légions de mouches friandes volaient dessus les truffières. Allant, s'arrêtant pour fuir, l'avant-garde avait aperçu une famille d'anthropoïdes. Il était rare que ceux-ci eussent attaqué les mangeurs de vers, surtout quand il n'y avait plus de femmes dans les colonnes. Au contraire, une sorte de fraternité animait le grand singe, et plutôt les tardigrades avaient-ils trouvé en lui un auxiliaire précieux contre l'ours et les félins. Un conseil fut tenu. On y décida d'envoyer une petite troupe vers l'homme des arbres, afin de l'assurer d'intentions pacifiques. Cette troupe, dûment surveillée, attira par des cris de joie et des marques de bienveillance l'attention des anthropoïdes. Ahuris d'abord, ils semblèrent bientôt reconnaître des alliés. Ils le marquèrent par une gesticulation grave et en s'avançant avec lenteur. Quelques minutes plus tard, les 2 hordes étaient réunies. Les mangeurs de vers offrirent un repas de truffes, de pépins et de feuilles potagères. Les hommes des arbres acceptèrent ces choses avec plaisir, car leur régime était identique à celui des tardigrades. Puis les 2 races déshéritées restèrent longtemps en silence, s'observant. Leur nature paraissait comporter un fond commun de mélancolie, et la mélancolie du grand singe semblait plus lourde que celle du tardigrade, comme proportionnelle à la vigueur du muscle, à l'ampleur de la poitrine. Aussi l'homme eut-il les premiers rires, les premiers jeux, tandis que le singe restait grave et méditatif. Pourtant l'un d'eux s'émut à une remembrance lointaine, venue par l'analogie des circonstances. Il commença de laborieuses explications. Penchés, les tardigrades l'écoutèrent sans parvenir à le comprendre. Mais en d'autres anthropoïdes, le souvenir parut germer. Ils se joignirent au premier, et la confusion ne faisait que grandir quand l'un d'eux s'avisa de ramasser des brindilles, d'indiquer le bondissement d'une flamme. Alors les mangeurs de verre virent qu'il s'agissait du feu, et plein d'orgueil, le chef tira de deux morceaux de bois sec les étincelles nécessaires. Quand vint la lueur, le dardement des langues jaunes parmi les volutes bleues, les hommes des arbres restèrent une minute craintifs et effarés, tandis que les tardigrades riaient très haut. C'était la communion très douce de paria aux frontières de l'animalité, un plaisir réciproque à se pénétrer, et comme une curiosité de l'esprit des choses à connaître les progrès accomplis par lui dans la disposition de la matière. Ils se quittèrent amis, les tardigrades fonçant dans l'est, les anthropoïdes se dirigeant vers le sud après s'être fait de mutuels cadeaux. L'homme avait donné des massues au singe, le singe des œufs dérobés au plus haut nid à l'homme. Et la séparation n'était accomplie que depuis 3 heures, lorsque les mangeurs de verre virent les premiers symptômes de la fuite des animaux, dont s'inquiéta plus tard Vamiré. Ce furent d'abord les hôtes ordinaires de l'habitat, des élafes et des sangliers. Aussi les tardigrades ne s'en émurent-ils pas beaucoup. Mais quelques heures plus tard, ils virent des compagnons d'exode, les daims, refluer en bandes considérables. Alors, saisis de panique, à leur tour, ils rebroussèrent.